La paire. Ce qui compte en cuisine pour Patrick, c'est d'utiliser à fond son plan de travail. Et pour Anne, c'est de bien manier ses plaques de cuisson. Et la hotte aussi. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 31 décembre, La Paire vous offre moins 20% sur toute la cuisine. La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Les Énéades de Plotin, rédigées au tout début du 4e siècle de notre ère, proposent une aventure sans précédent. Plusieurs siècles après Homère, l'Odyssée se fait cette fois à l'intérieur de soi, les yeux fermés, pour tenter d'accéder à ce qui, en soi, dans notre petit soi, accède au grand soi, au soi divin, qui est un principe ultime que Plotin nomme l'un-bien. Cette aventure extraordinaire est à la fois éthique, puisqu'il s'agit de purifier son âme de ses vices, et métaphysique, puisque l'un-bien se trouve au-delà de la matière. Alors comment ne pas confondre philosophie et pratique mystique? Comment ne pas considérer Plotin comme un gourou qui nous montrerait la seule voie à suivre en nous encourageant à nous détacher de notre destin de confiné, prisonnier du corps que nous avons? On commence avec la réponse de Pierre Hadot et un exemple de voie à ne pas suivre. D'un bout à l'autre de l'histoire de la philosophie antique, on rencontre les mêmes critiques et le même combat contre ceux qui croient être philosophes parce qu'ils développent un discours philosophique, surtout dialectique et logique, au lieu de transformer leur genre de vie. On peut dire que c'est là le perpétuel danger de la philosophie, se cantonner dans le rassurant univers des concepts et du discours, au lieu de dépasser le discours pour s'engager dans le risque de la transformation radicale de soi. En ce qui me concerne, j'étais catholique, j'étais lié au mouvement intégriste, revenir aux messes en latin me paraissait un pas vers la purification. Et puis j'ai appris qu'avant les messes en latin, les messes étaient dites en grec, alors j'ai créé un groupuscule encore plus intégriste. Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé et j'ai rencontré Skippy. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. La seule richesse spirituelle est dans nos publications. La lumière sort. J'arrive, mes amis. Mes amis, j'ai quitté FR3 pour vous. Bonjour Laurent Lavaux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Montpellier. Vous résidez, vous enseignez la philosophie antique à l'ENS de Lyon. Vous avez traduit et commenté 5 traités de Plotin pour les éditions Garnet Flammarion. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Mystique et Monde aux éditions du Cerf. Et c'est donc avec vous que nous allons entreprendre ce voyage intérieur en compagnie de Plotin. Alors, vous avez entendu Pierre Hadot, spécialiste de philosophie antique, parler de ce qui caractérisait la philosophie dans l'Antiquité. Il parle de transformation radicale de soi. Ça semble s'appliquer assez bien à Plotin, mais ensuite un sketch des Inconnus qui peut-être vous a rappelé des bons souvenirs, qui donne à voir comment cette quête de la transformation radicale de soi peut rapidement basculer dans l'univers de la secte et des gourous. Où se situe Plotin entre ces deux extrêmes? Alors justement, on peut effectivement parler de deux extrêmes, parce qu'en fait, comme on va le voir, la philosophie de Plotin est un parcours. Par rapport au début de l'émission, je dirais qu'on peut d'ores et déjà faire deux remarques. D'abord, sur l'idée effectivement de secte. Hein, oui, vous avez un réglage à faire sur votre téléphone. L'idée de secte, c'était que la philosophie n'est précisément pas, même la philosophie de Plotin, ne relève pas de la secte. Qu'est-ce que c'est qu'une secte? C'est le fait d'avoir une initiation ésotérique, hein, qui est réservé à des happy few, hein, à des initiés. La philosophie, Plotin se situe dans cette tradition qui est l'exercice même du discours, l'exercice même du logos, de la raison, et donc elle est ouverte d'une certaine façon à tous ceux qui veulent la pratiquer. Mmh. Plotin, on le voit d'ailleurs accueillir hein, dans son école. C'est pas une secte, c'est une école. Hein, ouais. Et on le voit accueillir différents philosophes venus de différents horizons, qui peuvent être des aristotéliciens, voire des gnostiques, mais aussi des philosophes ou des disciples venus de l'école stoïcienne. Et il s'agit en fait de débattre sur des questions qui peuvent être des questions finalement assez techniques de philosophie. Hein. Lorsque vous lisez les traités de Plotin, oui. Vous vous apercevrez que c'est pas seulement une sorte de d'envolée mystique, hein, mais c'est effectivement un exercice rationnel hein, de débat, de questions-réponses, et on se pose des problèmes et on essaie de les résoudre. Donc c'est avant tout un exercice de philosophie, et comme c'est que ça repose sur l'idée de la raison, hein, du logos, c'est quelque chose d'universel, c'est-à-dire que tous les hommes qui ont en eux-mêmes ce logos, cette raison, sont appelés d'une certaine façon à cette pratique. La deuxième remarque par rapport à ce que dit Pierre Hadot, c'est que c'est l'exercice rationnel, hein, le fait de pratiquer la philosophie est aussi une pratique de soi. Et ça, c'est ce que il a thématisé sur la forme de l'exercice, hein, de l'exercice spirituel, raisonner philosophiquement, chercher à déterminer conceptuellement les choses, c'est aussi une manière de se transformer soi-même, de transformer son âme. Donc, la pratique rationnelle, la pratique du discours philosophique est aussi un exercice sur soi, est aussi une pratique de soi-même, une transformation de soi. Et c'est une des intuitions les plus fortes et les plus profondes, non seulement de la philosophie grecque, mais là aussi de Plotin, hein, qui est que la pratique rationnelle n'est pas seulement un exercice un peu extérieur, mais c'est aussi pour l'âme une manière de se transformer elle-même. Oui, alors un mot peut-être sur qui est Plotin, justement, parce que vous le distinguez de la philosophie grecque. Je l'ai dit, ces textes ont été écrits, les Énéades de Plotin ont été écrites en 301, mais c'est par son disciple Porphyre. Lui, Plotin, est mort en 270, il était né vers 203-204. Dans quelle mesure est-ce que, on est là donc deux siècles après Jésus-Christ, dans quelle mesure est-ce qu'il est l'héritier de la philosophie grecque, dite antique, et dans quelle mesure est-ce qu'il est aussi l'héritier du christianisme, puisque c'est quand même ça qui a changé entre Platon, et lui, il y a quand même eu un énorme changement en termes de civilisation. Alors, on peut dire, il y avait un beau titre de Joseph Moreau sur Plotin qui disait que c'était la gloire de la philosophie antique. C'est la gloire aussi au sens presque pictural, hein, c'est-à-dire c'est aussi le moment hein, qu'on dessine où le soleil s'abîme d'une certaine façon dans la mer hein, au crépuscule, puisque c'est d'une certaine façon un des tout derniers, bon il en reste encore quelques-uns hein, qui perpétuent l'histoire du néoplatonisme, mais jusqu'au 5e siècle on va dire, mais Plotin 3e siècle, hein, c'est d'ores et déjà une forme d'achèvement, hein, d'achèvement de la philosophie grecque, et donc il hérite d'un courant extrêmement puissant qui remonte à Platon, mais il subit aussi des influences effectivement d'Aristote, des stoïciens, mm-hmm. et il se revendique lui-même comme un platonicien. Alors, dans votre question, il y a aussi ce rapport compliqué hein, au christianisme. Plotin n'était pas du tout lui-même un chrétien, et par certains aspects, il s'oppose hein, au christianisme. Allez-y, je vois que votre téléphone vous fait des misères. Voilà, excusez-moi, c'est compliqué. Encore un mot sur le rapport de Plotin au christianisme, et puis on écoutera un texte. Voilà. Aussi. Ouais, c'est le rapport de Plotin au christianisme. Il s'oppose à une secte qui est la secte gnostique, qui est une, pour le coup là une secte chrétienne. Et il a écrit des traités tout à fait virulents contre cette secte. Et c'est la puissance montante, hein, notamment à Rome où enseignait Plotin le christianisme. Mais en même temps, il y a quelque chose que les Grecs ne pourront pas encaisser. d'une certaine façon chez les chrétiens, c'est cette idée de que l'absolu, que le divin puisse prendre chair, puisse prendre corps. Mm-hmm. Ça, c'est une idée, cette idée de l'incarnation est une idée qui est totalement étrangère à Plotin, étrangère à la pensée grecque. Il y a un autre processus, un autre rapport entre le divin et le monde pour Plotin, mais c'est ce qu'on appelle la procession, c'est-à-dire qu'à partir du premier dieu qui est l'an ou le bien, à partir de ce premier dieu, il y a un étagement des réalités, il y a une sorte de source qui s'épanche comme ça progressivement jusqu'à notre monde, jusqu'au monde sensible. Mais la grande différence, c'est que Dieu, le divin, reste en lui-même. Ce qui s'épanche est quelque chose d'extérieur à lui, hein, qui découle de lui. Mais lui reste, et les différents dieux restent en eux-mêmes, hein, d'une certaine ouais. façon. Alors que la grande innovation du christianisme, c'est l'idée que Dieu lui-même prend chair, Dieu lui-même prend corps. Ça, c'est une idée que l'absolu puisse venir dans le corps et dans la matière. C'est une idée que ne peut absolument pas accepter un grec, et c'est ce qui fera la grande innovation du christianisme. Et de ce point de vue-là, du point de vue de l'histoire de la pensée, ce seront les chrétiens qui gagneront la partie. Oui, et puis Plotin vraiment se situe à l'inverse de ça. Il ne veut pas que le principe supérieur s'incarne dans la matière, mais au contraire, il veut se hisser hors, au-dessus de cette matière. Exactement. C'est ce qu'on va voir, Laurent Lavaux. On va suivre un voyage ensemble ce matin, le voyage que nous propose Plotin, une odyssée d'ailleurs, et il emploie le terme à dessein et la référence à Homère est explicite. On commence, point de départ, par rentrer en nous-mêmes et nous examiner. C'est ce à quoi Plotin nous invite dans le traité 1-6, donc des Énéades. Écoutez le texte, écoutez l'image qu'il prend. Il dit qu'il faut travailler son âme comme on perfectionnerait une statue. L'image est vraiment parlante et le texte est magnifique. Il est lu pour vous par Daniel Mesguich. Rentre en toi-même et examine-toi. Si tu n'y trouves pas encore la beauté, fais comme l'artiste qui retranche, enlève, polie, et pur, jusqu'à ce qu'il ait orné sa statue de tous les traits de la beauté. Retranche ainsi de ton âme tout ce qui est superflu. Redresse ce qui n'est point droit. Purifie et illumine ce qui est ténébreux. Et ne cesse pas de perfectionner ta statue jusqu'à ce que la vertu brille à tes yeux de sa divine lumière, jusqu'à ce que tu vois la tempérance assise en ton sein, dans sa sainte pureté. Quand tu auras acquis cette perfection, que tu la verras en toi, que tu habiteras pur avec toi-même, que tu ne rencontreras plus en toi aucun obstacle qui t'empêche d'être un, que rien d'étranger n'altérera plus par son mélange la simplicité de ton essence intime, que tu ne seras plus dans ton être tout entier qu'une lumière véritable, quand tu seras devenu tel, alors, puisque tu es la vue même, aie confiance en toi, parce que tu n'as plus besoin de guide. Regarde attentivement, car ce n'est que par l'œil qui s'ouvre alors en toi que tu peux apercevoir la beauté suprême. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Et nous sommes confinés cette semaine en compagnie des philosophes antiques. Après Platon hier, c'est Plotin aujourd'hui, donc plus tardif que Platon, on vient de le dire, en compagnie de mon invité philosophe Laurent Lavaux, qui enseigne la philosophie antique à l'ENS de Lyon. Le premier texte de Plotin que nous venons d'entendre est absolument magnifique. Ça donne une idée hein, de la plume, alors non pas de Plotin, parce que là aussi, je l'ai dit, c'est pas lui qui a écrit ses propres textes, mais du style de passages que l'on peut trouver, qui viennent à côté de passages beaucoup plus techniques et parfois assez effrayants, mais ce type de paragraphe, on en trouve quand même souvent, et surtout dans le traité 1-6 sur le beau. Et ce sont vraiment des mots qui nous parlent directement aujourd'hui, encore plus en période de confinement. Laurent Lavaux, je crois que c'est pas trop exagéré ou tiré par les cheveux que de dire qu'il y a quand même un écho très fort avec la situation de confiné dans ces textes de Plotin, comme si nous étions par essence des confinés dans notre propre corps. Absolument. Alors peut-être une précision. Il a bien écrit malgré tout hein, ces textes, mais c'est en fait qu'ils ont été édités et ordonnés par son disciple Porphyre. Donc effectivement, cette grande veine poétique de Plotin, on la retrouve à tous les moments des Énéades, et c'est effectivement souvent tout à fait saisissant. Hein. Il y a un grand souffle, une grande puissance de l'écriture de Plotin qui est au plus près de son expérience spirituelle, de son expérience intérieure, effectivement, et d'autres passages plus directement, philosophiquement techniques, mais qui sont aussi tout à fait passionnants. Alors, pour effectivement revenir à notre texte, c'est effectivement un texte d'une grande beauté avec cette idée qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez les stoïciens de la statue de la statue intérieure sculpter sa statue c'est justement se chercher cette purification à tout ce qui s'est surajouté d'une certaine façon à nous-mêmes à notre propre soi donc c'est une démarche effectivement de retour en soi, qui passe par une distanciation, non pas seulement sociale ici, mais distanciation par rapport au monde. Et comme vous l'avez dit, hein, si on devait faire un lien avec notre situation, parfois un peu difficile actuellement, ce qui nous confine fondamentalement, pour Plotin, c'est ce qui nous individualise dans notre propre corps. Hein. Il parle de notre corps comme une sorte d'esquif, de frêle esquif, hein, agressé parfois, battu par l'extériorité, non seulement des autres corps, mais évidemment des événements qui peuvent, en quelque sorte, nous agresser. Hein. Et d'ailleurs, on pourrait aussi, il y a un autre texte de Plotin où il parle non seulement du corps, mais aussi plus à l'horizon du corps, à l'horizon négatif du corps, où il parle de la matière. Hein. La matière qui n'est pas le corps, la matière c'est un principe, le soubassement du corps, et pour Plotin, c'est l'extériorité radicale, c'est l'étranger, hein, c'est l'étrangèreté, c'est tout ce qui nous met hors de nous-mêmes et qui nous menace en quelque sorte. C'est le principe même du mal, la matière, le principe même des maux. Et donc c'est ce qui peut nous contaminer. Hein, c'est ça qui pourrait être intéressant dans notre situation. Ouais. Il parle de la contamination hein, de la matière et donc comment, d'une certaine façon, quelle est la grande santé philosophique hein, face à cette contamination. Alors, on ne pourrait pas forcément parler de vaccin ici, mais en tout cas, on pourrait dire que c'est effectivement pour Plotin cette rentrée en soi, mais elle est très progressive, hein, cette purification, ce qu'il appelle en grec la catharsis, hein, la purification de l'extériorité. Elle est très progressive. Elle suppose plusieurs moments, plusieurs étapes. Hein. Il s'agit d'abord de, en quelque sorte, de faire taire le corps. C'est-à-dire de faire taire les sollicitations du corps, de notre propre corps en premier lieu. Et en fait, c'est pas seulement négatif. Quand on voit les traités éthiques de Plotin, il a écrit un traité sur les vertus. Réduire le corps au silence, c'est avant tout lui donner aussi ce dont il a besoin, hein, en matière de tout ce qui est de l'ordre de l'appétit, évidemment, ou de l'affectivité, de la sexualité, de sorte que il puisse cette satisfaction des besoins, cesser de nous solliciter. Donc la purification, c'est ça aussi, c'est une sorte de tempérance, hein, justement, dont il parle dans le texte qu'on vient de lire, qui est une vertu antique, hein, qui est la première étape, hein, cette tempérance, dans notre rapport au corps. Hein. Mais la purification, évidemment, va au-delà de ça, ça passe aussi par, précisément, un exercice raisonné de sa pensée, ça passe aussi par un dialogue avec les autres, mais aussi dialogue intérieur, hein. Là, il hérite du platonisme, hein, oui. La pensée, la raison comme dialogue de l'âme avec elle-même, qui est une étape de la purification. Et ensuite, une fois qu'on a, comment dire, apaisé, régulé notre rapport au monde, qu'on a en quelque sorte soigné hein, tout ce qui pouvait nous contaminer, précisément, ou mis à distance hein, la contamination de la matière, eh bien la plongée en soi-même, c'est aussi la plongée dans la contemplation, hein, ce oui. qu'on appelle la contemplation. Mais la contemplation. Le soi, justement, pose problème. Enfin, je voudrais qu'on essaie de le définir parce que c'est ce qu'il dit, rentre en toi-même, examine-toi. Mais finalement, ce soi, n'est pas de la matière, ça on l'aura compris, le lexique employé est très fort, hein. Purification, c'est quand même un terme qui est assez effrayant quand on l'emploie aujourd'hui, peut-être moins à l'époque, mais est-ce à dire que le soi est au fond une âme individuelle ou est-ce que c'est une participation à la sphère intellectuelle comme le disait Platon? Où se situe le soi? On n'est pas du tout dans la psychologie contemporaine à l'époque où écrit Plotin. Alors à quoi renvoie-t-il quand il dit « rentre en toi-même, examine-toi, aie confiance en toi ». Qui est ce toi? Qui est ce soi? Alors c'est une question effectivement fondamentale, c'est-à-dire que c'est la question finalement de l'identité de l'âme, ouais. Effectivement. Comme vous dites, il faut se départir peut-être d'une conception de cette identité, du soi qui, privilégierait l'unicité. Hein. Ce qui intéresse les Grecs, et pas seulement Plotin, c'est pas le soi individuel, c'est pas seulement le soi qui me définit en propre, dans mon ikétnung, hein, le fait que j'habite dans telle ou telle ville ou que je sois de telle ou telle époque, ce n'est pas cette particularité, cette singularité qu'il s'agit en fait vraiment d'habiter. D'une certaine façon, ce qui me singularise, ce qui m'individualise, je dois justement, c'est ce dont je dois me purifier parce que d'une certaine façon, ça vient de l'extériorité, ça vient de la matière. Le soi véritable, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de soi universel, c'est ce qui me permet de penser, hein, ce qui me permet de penser véritablement, et c'est finalement ce qui m'identifie à la pensée divine, l'intelligence divine. Mais là encore, pour revenir par rapport au début de l'émission, on n'est pas encore dans un moment mystique, on y sera peut-être un peu plus haut quand on s'élèvera, ouais. Hein, encore, mais quand on est dans le niveau de l'intellect divin, hein, ce que on traduit parfois par esprit, hein, c'est la traduction qu'adoptera Pierre Hadot, l'intellect divin, c'est en fait c'est tout à fait proche de Platon, hein, de la pensée des formes intelligibles, hein, ou des essences, c'est-à-dire penser ce qui est véritablement. Et donc notre soi atteint à sa pleine intensité, en quelque sorte, lorsqu'elle est capable, non plus de voir le monde de ma petite fenêtre individuelle, mais lorsqu'elle se, au contraire, voit le monde et voit les choses telles qu'elles sont, mais voir les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas seulement les voir dans l'extériorité sensible, c'est les voir dans leur essence véritable, dans leur essence première, intelligible, ce que les platoniciens appellent les formes, hein, c'est-à-dire le caractère immuable des choses, hein, le caractère par lequel les choses ne sont pas précisément soumises à la tempête du devenir. Eh bien, cette manière de saisir les choses telles qu'elles sont véritablement, le soi, hein, comme vous dites, hein, le soi véritable, c'est cette instance, cette puissance en moi qui est capable de voir les choses dans leur caractère immuable ou éternel, non changeant, et donc s'élever ce fragment de nous-mêmes ou cette identité de nous-mêmes qui est cette puissance de saisir les choses telles qu'elles sont, c'est vraiment l'intelligence en nous. Hein. Nous sommes en quelque sorte habités en soi-même. Le texte dit, il faut habiter en soi-même. Hein. Habiter en soi-même, ce n'est pas seulement habiter dans mon moi, hein, dans mon moi personnel. Ça, c'est l'identité effectivement contemporaine, mais c'est habiter dans cette puissance universelle de la pensée, hein, ce soit cette intelligence, hein, mais qui est, ou qu'on appelle aussi parfois la raison, hein, le logos, et d'une certaine façon, les philosophes, même dans la suite, hein, revendiqueront cette universalité de la pensée, et le soi, c'est le soi universel, effectivement. Si l'ensemble est beau, il faut bien que ses parties soient belles, elles aussi. Certainement, une belle chose n'est pas faite de parties laides, et tout ce qu'elle contient est beau. De plus, des couleurs qui sont belles, comme la lumière solaire, seront dans cette opinion en dehors de la beauté, puisqu'elles sont simples et ne tirent pas leur beauté de la symétrie des parties. Et l'or, comment est-il beau? Et l'éclair que l'on voit dans la nuit? Qui fait qu'il est beau? Il en est de même des sons. La beauté d'un son simple s'évanouira. Et pourtant, bien souvent, chacun des sons qui font partie d'un bel ensemble est beau à lui seul. Et lorsqu'on voit le même visage, avec des proportions qui restent identiques, tantôt beau et tantôt laid, Comment ne pas dire que la beauté qui est dans ses proportions est autre chose qu'elle, et que c'est par autre chose que le visage bien proportionné est beau. Laurent Lavaux, dans le texte qu'on avait entendu avant, Plotin écrivait cette phrase « Ce n'est que par l'œil qui s'ouvre alors en toi que tu peux apercevoir la beauté suprême ». Et il faut dire que la beauté tient une place très importante chez Plotin dans les Énéades. Et le texte que j'ai lu, qui est un extrait toujours des Énéades 1-6, 51 ici, propose une esquisse de définition de ce qu'est la beauté. Et il est très surprenant de voir comment celui qui semble tenir le corps comme cet élément matériel dont il faudrait se débarrasser, il faudrait purifier l'âme du corps, et qui donc semble condamner la matière, est par ailleurs aussi attentif et sensible à la beauté qu'il voit dans cette matière. Il parle de l'or, il parle de l'éclair, il parle de la beauté d'un son. Il y a presque une contradiction ici qui rend Plotin fascinant. Est-ce qu'on peut essayer de la comprendre peut-être? Est-ce que la beauté est d'elle-même contradictoire, Laurent Lavaux? Alors en fait, il y a plusieurs modalités, on va dire, de la beauté. Hein, effectivement, il y a cette beauté sensible. Et comme vous dites, finalement, dans l'écriture même de Plotin, on sent que c'est quelqu'un qui, malgré tout, habite, non peut-être pas le monde, mais habite au moins la beauté du monde, et qu'il est à l'écoute, il est dans la contemplation aussi d'un certain nombre de choses qui dans le monde sont pour lui un appel. Hein. La beauté est toujours un appel, est toujours quelque chose qui initie effectivement cette dynamique dès le monde sensible, un appel à ce dépassement. Hein. Et les niveaux de beauté qu'on peut voir dans les Énéades, il y a cette beauté sensible, il y a aussi une beauté intelligible qui est la beauté de la contemplation, c'est celui qui est ce que nous permet d'appréhender notre œil intérieur, hein, précisément. Qu'est-ce que c'est que l'œil intérieur? C'est précisément ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir cet exercice de l'intelligence. Hein. C'est l'intelligence qui avant tout nous permet de voir, et la lumière, c'est la vérité, hein, c'est la vérité qui illumine en quelque sorte et qui permet de voir les êtres et les essences telles qu'elles sont. Mais il y a encore un niveau encore supérieur, c'est-à-dire que quand on parle de l'éclair, qui c'est plus seulement l'éclair sensible, hein, c'est une métaphore. Mais encore faut-il, pour qu'il y ait métaphore, que les choses dans le sensible nous manifestent quelque chose au-delà d'elles. Et donc lorsque l'on voit dans un coup de tonnerre et un éclair en quelque sorte, qui illumine comme ça subitement, dans une soudaineté, et qui déchire ainsi la nuit, eh bien c'est la métaphore, c'est l'image de la beauté, ce qu'il appelle la beauté suprême, hein, c'est-à-dire c'est la manifestation du l'un bien, hein, du principe lui-même, qui soudainement vient en quelque sorte nous saisir, hein, saisir notre âme. Mais c'est un événement, hein, c'est l'événementialité qu'on ne peut pas provoquer par nous-mêmes, mais qui advient en nous. Hein. Donc il y a cette et c'est pour ça que on peut dire que la philosophie de Plotin, c'est un parcours réglé au départ, c'est une ascèse intellectuelle et une pratique, mais c'est aussi un événement, c'est-à-dire que c'est pas seulement quelque chose que l'on peut provoquer, mais il faut se mettre en situation de faire accueil en nous-mêmes, hein, de cette advenue, hein, cette advenue mystérieuse, hein, qui tout d'un coup déchire la nuit de notre âme et qui nous advient de façon soudaine et inattendue. Hein. Donc on se met en situation, hein, de cette advenue, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement provoquer par une simple recette intérieure, on va dire. Vous avez prononcé le mot de « un bien », enfin l'expression « un bien », c'est celle employée par Plotin. Et là, on arrive vraiment dans le dur de notre voyage, de notre odyssée, Laurent Lavaux, parce qu'il faut définir ce que c'est que cet « un bien » qui est en fait le but, la destination du voyage. Vous avez parlé de principe. Est-ce que le « un bien », c'est l'équivalent de Dieu? Est-ce que c'est un principe métaphysique au sens où où Platon lui-même désignait le bien comme étant la vertu cardinale, qui est équivalente au beau d'ailleurs et au vrai. Comment est-ce que vous, vous arrivez à définir ce que c'est que l'imbien ? Alors, d'abord, je ne saurais pas le définir parce que, précisément, pour Plotin, c'est de l'ordre de l'indéfinissable. Alors, ça va peut-être un peu désorienter nos auditeurs. C'est un principe, effectivement, qui est au-delà de la pensée, au-delà du discours. Et donc, tout discours qui cherche à dire ce qu'est l'imbien est en quelque sorte un discours qui doit se critiquer lui-même et critiquer sa propre insuffisance et sa propre incapacité, d'une certaine façon, à dire le bien tel qu'il est, parce qu'il est sans forme, hein. Il est donc au-delà même de la pensée. Alors, lorsque on dit l'imbien, en fait, c'est une expression, un syntagme figé et commode, mais qui n'est pas chez Plotin lui-même. En fait, il dit soit l'un, soit le bien, selon la perspective qu'il aborde. L'un est un concept qui est hérité du Parménide, hein, et donc dans la lignée de Platon, du Parménide de Platon, et le bien est hérité de la République. Alors en fait, ces deux perspectives sur le principe, parce que le bien, on va dire, c'est la perspective du désir. Hein. C'est ce qui polarise en nous notre désir ou notre amour, notre éros, d'une certaine façon, et ce qui va aimanter dans l'âme la puissance non seulement de penser, mais d'une certaine façon, la puissance de penser elle-même, elle est en quelque sorte traversée de l'intérieur par une puissance plus haute encore, qui est la puissance de l'éros, la puissance du désir, qui habite la pensée, qui habite toute pensée, mais qui, au moment suprême, au moment de la rencontre avec le bien, précisément, nous donne un élan ultime où on abandonne, on délaisse ce qui, jusqu'alors, dit Plotin, avait fait notre joie, à savoir l'exercice de l'intelligence. Donc ça, c'est l'aspect du bien qui est la finalité, le but ultime de l'odyssée du désir. Et l'aspect de l'un, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. L'aspect de l'un, c'est la manière dont l'âme, et au fur et à mesure qu'elle progresse, hein, vers le principe, l'âme se simplifie, s'unifie, on a vu le sculpter sa propre statue, d'une certaine façon, c'est d'ores et déjà se rapprocher de cette unité. Il y a l'idée que, pour Plotin, c'est l'unité première, la simplicité première, unité qui est au-delà même de la pensée, au-delà même de l'être. L'être, c'est déjà du multiple, c'est déjà du déterminé. Lorsqu'on pense, on pense aussi du multiple et du déterminé. Ouais. Si l'un est unité pure, si l'un est simplicité pure, eh bien, il ne peut même pas être pensé, parce que le pensé, ce serait le déterminé. Oui, c'est là où ça devient compliqué. L'un n'est pas. Il est au-delà de l'être. Donc c'est pour ça qu'on peut pas le définir, et c'est même on peut pas imaginer ce que c'est que être au-delà de l'être. Voilà. Alors bon, évidemment, là, on est aux confins, hein, de la philosophie, sans son mauvais jeu de mots par rapport au confinement, mais on est aux confins même de l'expérience, hein, c'est-à-dire l'imbien. Évidemment, Plotin, comment dire, ne peut pas utiliser les concepts courants. Hein, il ne peut pas utiliser les concepts courants de l'ontologie, du discours sur l'être, pour dire vraiment ce qu'il est, puisque, comme on disait, hein, par définition ou par non-définition, précisément, il n'est pas au sens de ce qu'on entend d'habitude par être. En fait, on peut le dire comme ça. Il n'est pas au sens où on entend un être définissable, une essence. Ça veut dire ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne soit rien, qu'il soit un pur néant ou un pur vide. Mais ça veut dire que le mode d'existence de l'être, on ne peut pas le saisir par ce qu'on, le régime courant de notre pensée, le régime courant d'une définition, d'une pensée qui saisit véritablement, parce que toute pensée, et ça c'est vrai chez Plotin, mais c'est vrai dans toute la tradition grecque, comment dire, ce à quoi la pensée est connivente, ce à quoi la pensée est apparentée, c'est toujours l'être. Il y a toujours une connexion et même une identité entre la pensée et l'être. Le problème est que l'un, s'il est au-delà de l'être, en tout cas de l'être tel qu'on l'entend habituellement, tel qu'on peut le déterminer, le définir, il n'a pas de forme intelligible, eh bien, il a un mode d'existence qui est une sorte de d'acte pur, hein, de pur surgissement éternel d'une certaine façon, mais que on ne peut pas saisir par la pensée, qu'on peut saisir simplement par autre chose que la pensée, qui est précisément ce dont je parlais tout à l'heure, qui est le désir. Alors si je peux encore rajouter un petit quelque chose d'important par rapport à votre question précédente, aussi sur la différence entre le principe et le divin. Hein. Effectivement, on peut dire qu'il y a deux approches, et ça revient aussi à ce qu'on disait au tout début de l'émission sur la question de la mystique. Il y a deux approches possibles en fait du premier principe. Hein, le principe en grec c'est l'arché, hein, c'est ce qui à la fois ce qui commence, ce qui initie les choses, et c'est ce qui commande. Hein, l'arché, c'est ce qui va commander à l'ensemble du déploiement de la réalité en dessous d'elle-même. Donc on peut avoir une approche métaphysique, et Plotin est un très grand métaphysicien. Hein, c'est-à-dire que ce qu'il demande finalement, la question métaphysique, c'est l'origine des choses, l'origine de ce qui est. Et donc, c'est un très grand métaphysicien, il va chercher le principe précisément dans ce fameux « un » au-delà de l'être. C'est ce qui initie la genèse même de toute chose. Donc de ce point de vue-là, il est métaphysicien. Et c'est quelqu'un qui va déployer toutes les ressources de la philosophie pour essayer à la fois de dire, et comme je le disais, de ne pas dire en quoi, d'un point de vue métaphysique, le principe de toute chose peut être défini comme cette simplicité originelle. Bon, mais en même temps, c'est aussi une expérience. Ce n'est pas simplement une sorte de derrière son bureau du IIIe siècle, comme s'il faisait un peu de la philosophie pour décrire de façon un peu extérieure ce qu'il en est métaphysiquement de l'origine de toute chose. Mais c'est ça qui est fascinant chez Plotin. C'est en même temps le Dieu. Le divin, alors il y a plusieurs dieux, l'intellect aussi est Dieu, mais c'est le premier Dieu. Et à quoi renvoie l'idée de Dieu? Ça renvoie précisément à l'idée d'une expérience intérieure. C'est pas seulement ce dont je parle, ce sur quoi je fais des traités, mais penser, c'est d'ores et déjà, d'une certaine façon, être engagé dans une aventure. Et l'aventure, le point ultime de l'aventure, c'est la rencontre non seulement du principe métaphysique, mais du divin. Et là, c'est là peut-être où on peut parler dans cette rencontre amoureuse, désirante, où on peut parler de l'un ou du bien comme d'un dieu, hein, comme d'un dieu que l'on rencontre véritablement. L'idée est de faire un avec ce un. Au fond, c'est c'est l'idée même de l'altérité que Plotin cherche à conjurer. Alors, absolument. C'est faire un avec l'un, c'est le terme, hein, c'est le terme. Alors comment interpréter cette idée de faire un avec l'un? C'est là l'idée, hein, de unification, de simplification de soi-même, qui est en même temps, il y a un jeu de mots, hein, chez Plotin, il y a un passage où il dit aploteis, l'âme est simplifiée, et en même temps on peut traduire par épanouie, hein. Elle s'épanouit dans l'un. Alors si je recommande aux auditeurs peut-être un seul traité qui décrit cette union mystique, c'est le traité 9 dans l'ordre chronologique, ou s'il l'utilise dans la traduction aux belles lettres, c'est le traité 6-9, qui a été aussi traduit d'ailleurs par Pierre Hadot, qui est sur l'un, en fait, le traité sur l'un, où il explique précisément comment l'union avec l'un passe par l'unification, l'énosis, hein, l'unification intérieure. Et que, d'une certaine façon, comme vous dites, hein, selon cette belle expression que vous avez employée, qui est de conjurer l'altérité, mais de quelle altérité il s'agit? Il s'agit de l'altérité, justement, de la procession, de la manière dont les choses ont d'abord commencé à découler, hein, à partir du principe, à partir de l'un. Et donc, pour reprendre un peu les étapes de cette procession, c'est ce qu'il y a, la première chose à avoir découlé, c'est l'intellect, hein, l'intellect divin, donc l'esprit selon la traduction de Pierre Hadot, puis ensuite l'âme du monde qui organise le cosmos, qui organise la totalité de ce qui est, et ensuite nos âmes individuelles. Donc ça, c'est l'altérité progressive à partir de l'un. Qu'est-ce que c'est, d'une certaine façon, que notre voyage, que notre odyssée intérieure? C'est le fait de désaltérer ces moments de la procession. C'est de revenir à ce qui, en nous, était l'origine première, effectivement, la terre natale. Hein, la terre natale, c'est l'un. Et donc, il s'agit, mais il y a une sorte de double mouvement de désaltération. Il s'agit de se désaltérer soi-même au sens de se simplifier, de se séparer de tout ce qui nous encombre, hein, de tout ce que par quoi on peut être affairé dans l'extériorité du monde, mais aussi... Ah, Laurent Lavaux, je crois que votre âme dans son exercice de purification verbale, a eu raison d'elle-même. Je vous propose qu'en attendant de vous récupérer, peut-être êtes-vous en voyage vers le Limbien, justement, on entend un autre texte de Plotin qui est la description de l'âme déconfinée. Je crois que l'expression s'applique. Comment l'âme s'envole une fois que les exercices plotiniens ont été mis en œuvre. Le texte, une fois de plus, est lu par Daniel Mesquiche. Lorsque l'âme reçoit l'effluve qui vient du bien, elle s'émeut. Elle est alors saisie d'un transport bachique et remplie de désirs qui l'aiguillonne. C'est alors que naît l'amour. Auparavant, elle n'éprouve aucune émotion qui l'attire vers l'esprit, bien que celui-ci soit beau. Car la beauté de l'esprit reste inerte et sans effet tant qu'elle n'a pas reçu la lumière du bien. Mais lorsqu'est parvenue jusqu'à l'âme, en quelque sorte la chaleur qui vient du bien, elle prend force, elle s'éveille, elle devient véritablement ailée. Et bien qu'elle soit transportée de passion pour ce qui se trouve actuellement près d'elle, pourtant elle s'élève légère. Et tant qu'il y a quelque chose au-delà de l'objet qui est actuellement près d'elle, l'âme est emportée vers le haut, emportée par celui qui lui donne l'amour. Et elle s'élève au-dessus de l'esprit. Mais elle ne peut courir au-delà du bien, car il n'y a rien au-dessus de lui. Quand l'âme s'envole sur France Culture, les chemins de la philosophie, c'est que vous êtes en compagnie de Plotin et de ses Énéades qui nous accompagnent depuis ce matin. On est parti de la sculpture de soi, effectuée en fermant les yeux, on effectue un retour sur soi. Et puis, progressivement, dans l'odyssée que nous propose Plotin, nous avons avancé. Et voici la description que vous venez d'entendre de l'âme déconfinée, de l'âme qui s'envole, qui vient de recevoir la lumière du bien. L'image est tellement forte que notre invité Laurent Lavaux s'en est déconnecté de lui-même. On essaie de le récupérer et puis on va terminer ensemble ce voyage. Est-ce que vous êtes avec nous à nouveau, Laurent Lavaux ? Oui, je vous entends. Magnifique. Comment se passait le voyage ? Je ne sais pas où vous étiez, mais c'est assez fou. C'est agréable. Revenons. Est-ce que vous avez pu entendre le texte sur l'âme déconfinée ? Déjà, j'emploie cette expression, mais il me semble qu'elle est appropriée. Hein, ce que Plotin décrit, c'est une âme qui est complètement libérée de toute attache corporelle. C'est ça. Hein, c'est une âme, effectivement, qui... Par cette libération, hein, et ce terme de libération est intéressant parce que, d'une certaine façon, pour Plotin, le but aussi du voyage, on pourrait le décrire en termes de liberté. Hein. Liberté qui est une libération par rapport au monde, mais d'une certaine façon, on peut dire aussi que l'un est liberté pure lui-même, hein, parce que dans sa transcendance, en fait, le fait qu'il soit tellement au-delà du monde, il est tout à fait autre en même temps de tout ce qui est, et bien un des noms de cette transcendance, un des noms de cette altérité de l'un, Plotin utilise parfois le terme de liberté, effectivement. Mmh. Hein, donc, c'est une libération du monde, mais aussi, cette libération est une manière de rentrer en adéquation avec la pure liberté de l'un par rapport à tout contenu déterminé. Et on aura remarqué que cette âme, elle est ailée. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'image de, d'une âme qui s'envole, qui s'élève, qui devient légère et qui quitte toute forme de matérialité de l'existence. Oui, alors tout à l'heure, on parlait de l'image d'Ulysse. Là, on pourrait dire que c'est plutôt l'image d'Icare, en fait. Hein. Ouais. C'est une âme qui s'envole. Mais alors, la grande différence d'Icare, c'est que, d'une certaine façon, plus elle s'approche du soleil, qui est le bien lui-même, plus elle s'approche donc du principe, plus elle s'élève, c'est-à-dire que elle gagne en vigueur et plus ses ailes la rapprochent effectivement, la rapprochent du bien. Hein. Donc élévation. Alors là, on est vraiment dans un contexte mystique et on voit l'écriture de Plotin qui se fait presque urgente hein, dans cette manière de dire la remontée. Hein. Je parlais tout à l'heure, en fait, dans le texte, il y a un double mouvement. Hein, il y a un mouvement de descente du bien. Je crois que le texte parle de la chaleur en quelque sorte qui vient vers l'âme. Mais cette mouvement de descente qui est le assez proche de ce dont je parlais tout à l'heure en parlant de la procession, elle vient en quelque sorte nous saisir et ce qui nous permet dans ce saisissement ensuite de remonter et de nous élever. Hein. Donc c'est une image très très ancienne, hein, l'image des ailes de l'âme hein, qui remonte au Phèdre en fait, hein, qui l'âme ailée dans le cortège des dieux. Hein. Tout l'enjeu, toute la difficulté pour les âmes individuelles que nous sommes, c'est précisément de ne pas perdre nos ailes. Hein. Et qu'est-ce que c'est que perdre son aile? C'est justement se reconfiner en quelque sorte. Hein. C'est rechuter dans l'individualité du corps et dans la pesanteur parfois du corps. Alors, il nous reste très peu de temps et j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, donc je vais essayer de les choisir, mais il y en a une qui me paraît essentielle, Laurent Lavaux, c'est de savoir si cette trajectoire que nous venons d'effectuer ce matin en compagnie de Plotin est une destination à atteindre ou un retour vers une terre natale. Parce qu'au fond, et on n'a pas eu le temps d'écouter le texte, mais Plotin, je l'ai cité en début d'émission, cite Ulysse lui-même, il fait référence à Ulysse qui va quitter l'île de Calypso pour rejoindre sa terre natale. Et cette image semble adéquate pour qualifier le voyage que Plotin nous invite à faire. Mais alors ça veut dire que c'est un bien. Eh bien, nous en venons et nous devons y retourner. C'est pas tellement un voyage vers quelque chose qu'un retour à notre origine. Absolument. C'est pour ça que l'image de l'Odyssée est très intéressante, parce que Ulysse s'en va. Ulysse part de la terre natale, part d'Ithaque, vit des aventures qui sont pas toujours faciles, mais il revient. Hein. C'est la grande puissance en fait de la nostalgie. Hein. Il y a un texte de Lévinas d'ailleurs sur la philosophie de Plotin qui parle toujours de la grande nostalgie hein, dans la philosophie de Plotin. C'est précisément cette pulsion du retour. Donc en fait, ce n'est pas une odyssée vers le grand ailleurs de l'an, du divin, parce que en fait, c'est pour cela que c'est un voyage au plus intime, c'est effectivement un retour de ce dont nous sommes partis. Et ce dont nous sommes partis, c'est cette unité première, hein, qui nous sommes partis par la procession, unité première qu'il s'agit de retrouver. Hein. Donc dans le texte qu'on n'a pas lu, mais c'est vrai que vous me l'aviez transmis de l'Odyssée, et on voit comment Ulysse, qui ici figurerait notre âme, hein, peut être en quelque sorte pris par les charmes de Calypso, hein, mais qu'à un moment donné, il n'a plus de désir pour Calypso. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'âme Ulysse que nous sommes? Eh bien, d'une certaine façon, c'est qu'on s'aperçoit que dans le sensible, dans notre vie, dans le monde sensible, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui ne peut satisfaire notre désir profond, hein, en tout cas si on est plotinien, c'est ce qu'on pense, qui ne peut finalement combler notre désir profond, le désir profond de notre âme, et que retrouver d'une certaine façon ce que nous sommes, c'est retrouver ce désir qui doit, au terme de son parcours, au terme de son odyssée, aller jusque dans les rivages de la terre natale, c'est-à-dire la terre natale, c'est l'un lui-même. Voilà, et je renvoie les auditeurs au chant 5 de l'Odyssée d'Homère pour avoir ce passage sublime où Calypso libère Ulysse de son désir. Une toute dernière question, il nous reste une minute, Laurent Lavaux. Dans quelle mesure est-ce que la pensée de Plotin est une manière quand même de se détourner de notre existence ici-bas, si le but est de revenir de là où nous venons, d'atteindre l'imbien, ne c'est pas seulement le corps qui est méprisé, c'est toute notre existence humaine finie et les charmes qu'elle peut quand même avoir. Il y a une pensée très dure quand même, non, de notre propre vie ici-bas. Je pense à la lecture que pourra en faire Simone Veil bien plus tard, mais qui là le tire vers une forme de d'anorexie, même au sens métaphoreux, qu'il faut se détacher du corps, il faut s'élever. Est-ce que l'existence ici-bas est si dégoûtante que cela pour Plotin? Alors dégoûtante peut-être pas. De toute façon, on retombe un peu. Plotin le dit lui-même dans le traité 6, on retombe dans son corps. Hein, il parle du sommeil de son corps. Malgré tout, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que on peut vivre en paix avec le monde malgré tout quand on est plotinien. Simplement, l'action dans le monde, le rapport aux autres dans le monde doit découler en fait d'un être qui s'est retrouvé lui-même, d'une forme de sérénité intérieure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait peut-être l'expérience, soit de l'être intelligible, voire peut-être, hein, mais c'est une expérience très rare, de l'un, d'une certaine façon, l'action découle, mais ne nous préoccupe plus, hein, découle de ce que nous sommes, et si nous sommes pleinement ce que nous sommes, eh bien notre mode de vie dans le monde devra en découler. Voilà. Ben, merci pour cette conclusion plus optimiste d'ailleurs que certains passages qu'on a entendus. Je vous remercie infiniment Laurent Lavaux de vous être rendu disponible ce matin pour discuter, nous parler de Plotin et je vous remercie d'autant plus que je sais à quel point c'est difficile de maintenir une discussion quand les soucis techniques interviennent, etc. Donc vraiment merci pour votre patience et je renvoie les auditeurs à la lecture de vos ouvrages et des traités de Plotin que vous avez traduits et commentés. On mettra tout en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci beaucoup. Et ben c'est moi qui vous remercie encore une fois. On se quitte comme chaque jour en chanson. Cette fois-ci, on va suivre l'âme qui migre vers où? Eh bien, c'est Charles Trenet qui vous répond, l'âme des poètes. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Et oui, chantons, dansons en compagnie de l'âme des poètes de Charles Trenet. On est confiné avec les philosophes antiques toute cette semaine. Aujourd'hui, vous venez de vivre votre confinement intérieur avec Plotin. Et ben demain, ce sera la suite de ce confinement avec les philosophes antiques. On sera en compagnie des stoïciens. Ce sera avec Christelle Veillard qu'on se demandera comment tenir bon. Et les stoïciens vous répondront. Mais pour l'heure, de Plotin à Charles Trenet jusqu'à Aurélien Bélanger, c'est l'heure de la question philo du jour. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Comme chaque jour, vous êtes avec nous pour votre question philo du jour. La voici. La philosophie est-elle un long fil d'or? On sait que c'est toujours le confinement, donc on en est réduit au tourisme mental. Et donc j'ai fait du tourisme mental en allant revisiter, en pensée, le beau musée de la Renaissance du château des Coins. et donc je ne suis pas retourné auprès de la fantastique nef de Charles Quint, un vaisseau mécanique à rendre jaloux le plus sophistiqué des Lego techniques d'aujourd'hui, mais ce que j'ai revu en pensée, c'est une machine plus muette et plus énigmatique qu'on trouve là-bas, le banc d'orfèvre d'Auguste de Saxe. Alors ce banc d'orfèvre, c'est quoi? C'est une longue barre de bois sur laquelle sont accrochés, un peu comme sur un établi incroyablement luxueux, différents outils, une crémaillère et une manivelle. En fait, il s'agit d'une tréfileuse, une machine à étirer l'or pour en faire de longs fils. Alors je me suis souvenu de la métaphore célèbre de Goethe sur le fil rouge que la marine royale tressait dans ses cordages pour que le moindre morceau en reste identifiable, et je me suis dit que ce fil d'or, invisible, devenu pur esprit, c'était celui, peut-être, de la pensée allemande. Et j'ai eu un peu de nostalgie pour cette époque, pas si lointaine, où une fois Descartes passé, l'histoire de la philosophie, en France, se confondait avec un long et romantique voyage en Allemagne, le plus mystérieux des voisins de la France, où on aurait découvert un filon d'or nommé philosophie. Est-ce que vous voulez nous dérouler un peu ce fil ? Bah, c'est presque comme un conte de Grimm. Alors ça commence avec la découverte par Leibniz d'un œuf d'or appelé la monade, reflet complet de l'univers. Mais la poule d'or de ce système métaphysique complet sera assassinée très vite par Kant, le Rumpelstiltskin de cette histoire, qui montrera quel lourd tribut la paille d'or de la métaphysique doit payer à la vérité. Hegel viendra heureusement lever la malédiction et relancer l'histoire de la métaphysique en découvrant que la malédiction d'une Rumpelstiltskin n'était qu'un moment de l'histoire de l'esprit, avant que Marx, son plus brillant élève, vienne briser tous ses contes et toutes ses métaphores, à l'exception de la principale d'entre elles, l'esprit, devenu pour Marx le capital lui-même, eh bien, en dernier lieu et presque littéralement, un fil d'or. On en arrive enfin tout au bout de cette histoire, aux féeries benjaminiennes des passages parisiens, dorées à la feuille d'or, comme une version reconstituée mais trompeuse de la monade primitive, des passages parisiens, paradis de la marchandise, comme déambulation hallucinée à l'intérieur du fil d'or. Et soudain, le monde moderne où tout est accessible, mais sous la forme tronquée du commerce, où tout est intelligible et menteur à la fois, ressemble pour nous, à la malédiction de Midas. Nous voudrions toucher encore des objets extérieurs, nous rafraîchir la main dans une eau nouménale, et nous ne le pouvons plus. Le triomphe de la philosophie est total, mais ressemble à un empoisonnement. Et j'ai revu, justement, mon banc d'orfèvre devenu fou, devenu presque vivant, le banc d'orfèvre d'Auguste de Saxe. C'était dans la vidéo d'une machine qui, dans une usine BMW, tissait à toute vitesse les bobines des moteurs électriques. On y comprenait absolument plus rien. Ça, c'est une manière de dire que la philosophie aurait finalement perdu le fil. Ben voilà, alors le fil tenu par le fameux nain Rumpelstiltskin, j'adore le dire, de la légende, nain qui n'a jamais travaillé aussi vite, mais dont on aurait oublié le nom, et dont on serait, à cause de cela, condamné à rester sous son charme. Alors l'esprit moderne, tel qu'il m'est apparu comme créature primitive, comme mince fil d'or dans la machine-outil primitive de la Renaissance au musée des Coins, était devenu, entre les bras de ce robot de BMW, un enchantement qui dépassait largement les compétences même du meilleur des philosophes allemands d'aujourd'hui. Car impossible de ne pas entendre, tout au bout de cette légende dorée, la perplexité d'un Adorno, par exemple, l'un des derniers génies philosophiques de l'Allemagne. Adorno, tout au bout de notre fil, le premier des philosophes allemands à refuser explicitement le secours ambigu d'une philosophie systématique. Adorno qui témoignait modestement de son incapacité à démêler vraiment les fils de cette grande légende commencée à la Renaissance. Légende qui était venue s'achever sous ses yeux et de la plus cauchemardesque des façons en Allemagne au milieu du XXe siècle. Alors Aurélien, il vous reste quelques secondes pour terminer votre chronique. Est-ce que vous voulez nous conclure sur le fait que la philosophie serait un long fil d'or ? Ben, en fait, ce qui est passionnant avec cette histoire d'Adorno, c'est qu'on a l'impression que tous ces philosophes se rendent compte à un moment que leurs étudiants, ce sont simplement des bourgeois réifiés, et ils se mettent à regarder eux-mêmes leurs étudiants en philosophie et leur propre rêve de jeunesse d'avoir voulu faire de la philosophie comme quelque chose qui relève peut-être d'une sorte de fantasmagorie plus grande qui serait le monde moderne en totalité, et ils ne peuvent plus se contenter de faire de la philosophie comme ça. Ils sont obligés de tirer des nouveaux fils, et ces fils, ça va être les fils de l'école de Francfort, les fils de la marchandises devenues folles, les fils du capitalisme réifiant, etc. Et la philosophie, à ce moment-là, de façon très spectaculaire, devient presque impure, et donc le fil d'or s'amalgame peut-être de toute autre chose. Merci beaucoup Aurélien Bellange d'avoir déroulé le fil de cette bobine. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni avec Avril Poignant-Legoff, Manon de la Salle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, Clément Daté, à la lecture des textes, Daniel Mesguich. On se retrouve demain pour la suite de notre confinement avec les philosophes antiques. On sera en compagnie de la philosophe Christelle Veillard. On se demandera comment tenir bon et ce sont les stoïciens qui vous répondront. On est en retard. On se retrouve demain à 10h, mais d'ici là, surtout, restez à l'écoute sur France Culture.